Dans le cadre du cours sur le changement des représentations de la nature, nous allons étudier un certain nombre de textes marquants de la révolution scientifique moderne. Le premier texte est un extrait de la préface à l'ouvrage de Copernic Des révolutions des orbes célestes, rédigé par son éditeur Andreas Osiander. En 1530, l'astronome polonais Nicolas Copernic propose un modèle héliocentrique du monde contre le modèle géocentrique de Ptolémée. Donc l'héliocentrisme, c'est le fait de considérer que le Soleil est au centre du système planétaire, alors que le géocentrisme, c'était le fait de considérer que la Terre était au centre du système planétaire. L'ouvrage de Copernic n'est publié qu'en 1543, l'année de sa mort. Son éditeur Osiander ajoute une préface qui vise à atténuer le caractère subversif de l'œuvre pour éviter que l'ouvrage ne soit interdit. Je commence la lecture. Je ne doute pas que certains savants, puisque déjà s'est répandu le bruit concernant la nouveauté des hypothèses de cette œuvre, qui pose la Terre comme mobile et le Soleil, par contre, comme immobile, au centre de l'univers, ne soient fortement indignés et ne pense qu'on ne doit pas bouleverser les disciplines libérales, bien établies depuis déjà très longtemps. Si cependant il voulait bien examiner cette chose de près, il trouverait que l'auteur de cet ouvrage n'a rien entrepris qui mérite le blâme. En effet, c'est le propre de l'astronome de colliger, par une observation diligente et habile, l'histoire des mouvements célestes, puis d'en chercher les causes, ou bien, puisque d'aucune manière il ne peut en assigner de vrai, d'imaginer et d'inventer des hypothèses quelconques à l'aide desquelles ces mouvements, aussi bien dans l'avenir que dans le passé, puissent être exactement calculés conformément aux principes de la géométrie. Or, ces deux tâches, l'auteur les a remplies d'une façon excellente. Car en effet, il n'est pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies, ni même vraisemblables, une seule chose suffit, qu'elles offrent des calculs conformes à l'observation. Il est suffisamment clair que cet art, simplement et totalement, ignore les causes des mouvements irréguliers des phénomènes célestes. Et s'il en invente quelques-unes dans l'imagination, comme certes il en invente un très grand nombre, il ne les invente aucunement afin de persuader quiconque qu'il en est effectivement ainsi, mais uniquement afin qu'elle fonde un calcul exact. Or, comme pour expliquer un seul et même mouvement s'offrent parfois différentes hypothèses, ainsi pour le mouvement du Soleil, l'excentricité et l'épicycle, l'astronome adoptera de préférence celle qui est la plus facile à comprendre. Le philosophe exigera peut-être en plus la vraisemblance. Aucun cependant ne saurait ni atteindre ni enseigner quoi que ce soit de certains, à moins que cela ne lui soit révélé par Dieu. Laissons donc ces nouvelles hypothèses se faire connaître parmi les anciennes, nullement plus vraisemblables, d'autant plus qu'elles sont à la fois admirables et faciles, et qu'elles sont accompagnées d'un trésor immense d'observations les plus savantes.